Le pêcheur et sa femme, par Jacob et Wilhelm Grimm. Il y avait une fois un pêcheur et sa femme qui habitaient une misérable cabane près de la mer. Le pêcheur allait tous les jours au bord de la mer jeter sa ligne, et il la jetait sans rien prendre. Un jour, il était assis près de sa ligne, le regard tourné vers l'eau limpide. Soudain, la ligne plongea et descendit profondément. Il la retira, et il vit au bout de l'hameçon une magnifique barbue. « Je t'en supplie, lui dit celle-ci, laisse-moi la vie, je ne suis pas une vraie barbue, mais un prince enchanté. À quoi te servirait de me faire mourir? Je ne serai pas pour toi un grand régal. Rejette-moi dans la mer. » « Tu n'as pas besoin d'en dire si long, répondit l'homme. Une barbue qui sait parler, je ne demande pas mieux que de la laisser nager à son aise. » Il la rejeta dans l'eau, et le poisson replongea jusqu'au fond. L'homme s'en retourna auprès de sa femme. « Mon homme, lui demanda-t-elle, n'as-tu rien pris aujourd'hui ?»« Non, répondit-il, j'ai pris, il est vrai, une barbue. Mais elle m'a dit qu'elle était un prince enchanté, alors je l'ai laissé nager en liberté. »« N'as-tu formulé aucun souhait ?» dit la femme. « Non, qu'aurais pu-je souhaiter ?»« Ah !» dit la femme, « c'est pourtant triste d'habiter toujours une cabane qui sent mauvais. Tu aurais pu demander pour nous une petite chaumière. » « Retourne auprès de la barbue et appelle-la. Dis-lui que nous souhaitons une petite chaumière, elle te la donnera certainement. »« Ah !» dit l'homme, « pourquoi y retourner ?»« Comment ?» dit la femme. « Tu l'as prise et remise en liberté, elle t'accordera ce que tu lui demanderas. Vas-y !» L'homme n'était pas enchanté d'aller trouver la barbue. Mais ne voulant pas contrarier sa femme, il alla au bord de la mer. Les flots étaient vert jaune. Il s'approcha de l'eau et dit « Habitante des flots, barbu, me voici, contraint et forcé. Par ma voix, ma femme têtue ose exprimer un souhait. » La barbu parut. « Que veut-elle donc ?»« Ah !» dit l'homme, « je t'ai prise tout à l'heure, et ma femme déclare que j'aurais dû te demander quelque chose. Elle ne veut plus demeurer dans sa cabane, elle désire une chaumière. » « Retourne auprès d'elle, elle l'a déjà. » Le pêcheur revint sur ses pas, et il ne retrouva plus sa cabane. À sa place se trouvait une chaumière et sa femme était assise devant la porte sur un banc. Sa femme le prit par la main. « Entre et regarde !» lui dit-elle. « Cela vaut pourtant bien mieux que notre cabane !» Ils entrèrent. Dans la chaumière, il y avait un vestibule, une chambre à coucher, une salle à manger et une cuisine avec une brillante batterie de cuivre. Derrière picoraient poules et canards. Le jardin regorgeait de fruits et de légumes. « Regarde, dit la femme, n'est-ce pas charmant ?»« Oui, dit l'homme, restons là et vivons heureux. »« Nous y réfléchirons, dit-elle. » Puis ils mangèrent et se mirent au lit. Ainsi s'écoulèrent 8 ou 15 jours. Puis la femme dit « Écoute, mon homme, la chaumière est trop étroite. La cour et le jardin sont bien petits. La barbue aurait pu nous offrir une maison plus grande. Je désirerais habiter un grand château en pierre. » « Va trouver la barbue et dis-lui qu'elle nous donne un château. »« Ah, femme, dit l'homme, cette chaumière est suffisante pour nous. À quoi nous servirait d'habiter un château ?»« Eh, dit-elle, la barbue peut le faire. »« Non, femme, dit l'homme, la barbue vient de nous donner cette chaumière. Je ne veux pas retourner auprès d'elle. J'ai peur de l'importuner. »« Vas-y, dit-elle, elle peut bien le faire et le fera volontiers. Va toujours. » L'homme sentait cette démarche lui peser sur le cœur et ne voulait point la faire. Il se disait en lui-même que ce n'était pas raisonnable. Pourtant, il obéit. Lorsqu'il arriva au bord de la mer, l'eau avait perdu sa couleur vert jaune. Elle était violette et d'un bleu foncé. Pourtant, elle n'était pas agitée. L'homme s'approcha et dit « Habitante des flots, barbu, me voici, contraint et forcé. Par ma voix, ma femme têtue ose t'exprimer un souhait. « Que veut-elle donc ?» dit la barbue. « Ah !» dit l'homme à demi troublé. « Elle veut maintenant habiter un grand château en pierre. »« Va !» dit la barbue. « Tu la trouveras sur la porte. » L'homme se retourna donc et pensa revoir sa chaumière. Mais comme il approchait, il vit un grand château de pierre et sa femme se tenait en haut du perron. Elle se disposait à entrer. Elle le prit par la main et lui dit « Viens avec moi !» Ils entrèrent ensemble, et dans le château était un vestibule immense dont les murs étaient plaqués de marbre. De nombreux serviteurs ouvraient devant eux les portes avec fracas. les murs étaient éblouissants et couverts de belles tapisseries. Dans les appartements, les sièges et les tables étaient en or. Des lustres en cristal étaient suspendus au plafond et toutes les pièces étaient garnies de tapis. Les tables étaient chargées de mets et de vins recherchés, à croire qu'elles allaient rompre. Derrière le château, une grande cour renfermait des étables pour les vaches et des écuries pour les chevaux, avec des carrosses magnifiques. En outre, un superbe jardin était rempli des plus belles fleurs et d'arbres fruitiers. Au loin s'étendait un parc d'une lieue de long, que parcouraient des cerfs, des daims et des lièvres. « Eh bien, dit la femme, cela n'est-il pas beau ?»« Oui, dit l'homme, tenons-nous-en là, habitons ce beau château et nous vivrons heureux. » « Nous y réfléchirons, dit la femme. Dormons pour le moment. » Le lendemain, la femme se réveilla la première. Il faisait grand jour, et de son lit, elle vit la riante campagne qui s'étendait devant elle. L'homme dormait encore, elle le poussa du coude et lui dit « Mon homme, lève-toi et regarde par la fenêtre. Ne pourrions-nous pas être rois de ce beau pays ? Va trouver la barbue et nous serons rois. »« Ah, femme, dit l'homme, pourquoi être roi ? Je ne le désire pas. » « Bon, dit la femme, tu ne veux pas être roi, mais moi, je veux être reine. Va trouver la barbue, je veux être reine. »« Oh, femme, dit l'homme, pourquoi veux-tu être reine ? Je ne me soucie point de lui demander cela. »« Pourquoi pas, dit la femme, vas-y à l'instant, je veux être reine. » Et l'homme s'en alla, tout triste de ce que sa femme voulait être reine. « Ce n'est pas raisonnable, se disait-il en lui-même. » Il hésitait à y aller. Il y alla, pourtant. Quand il approcha près de la mer, l'eau était grise. Il s'avança et dit « Habitante des flots, barbu, me voici, contraint et forcé. Par ma voix, ma femme têtue ose t'exprimer un souhait. »« Que veut-elle donc ? » dit la barbue. « Ah ! » dit l'homme, « elle veut être reine. »« Va, » dit la barbue, « elle l'est déjà. » L'homme se retourna. Et quand il arriva au palais, il vit que le château était devenu beaucoup plus grand. Il avait une haute tour avec de magnifiques ornements. À la porte se tenaient des sentinelles. Il y avait aussi beaucoup de soldats avec des timbales et des trompettes. Il pénétra dans le château. Tout ruisselait de marbre et d'or. Il vit des tapis de velours et des grands coffres d'or massifs. Les portes de la grande salle s'ouvrirent. Toute la cour s'y trouvait et sa femme était assise sur un trône élevé, fait d'or et de diamants. Elle portait sur la tête une grande couronne d'or et elle avait à la main un sceptre garni de pierres précieuses. À ses côtés étaient placées sur un double rang 6 jeunes filles. Il s'avança et dit « Ah, femme, te voilà donc reine ?»« Oui, dit-elle, me voilà reine. » Il se plaça devant elle et la regarda. Quand il l'eut considérée un instant, il lui dit « Ah, femme, quelle belle chose que tu sois reine! Maintenant, nous n'avons plus rien à désirer. » « Point du tout, mon homme, dit la femme tout agitée. Tout ceci m'ennuie et je n'y tiens plus. Va trouver la barbue. Je suis reine, il faut maintenant que je devienne impératrice. » « Ah, femme, dit l'homme, tu veux devenir impératrice ?»« Mon homme, dit-elle, va trouver la barbue. Je veux être impératrice. » Ah, dit l'homme, elle ne peut pas te faire impératrice, je n'oserais pas le demander à la barbue. Il n'y a qu'un empereur dans l'Empire. La barbue ne peut pas te faire impératrice, elle ne le peut pas. Ne suis-je pas reine et n'es-tu pas mon mari ? Veux-tu bien y aller à l'instant même ? Si elle a pu nous faire roi, elle peut nous faire empereur. Va, te dis-je. » Il dut y aller. Et tandis qu'il s'éloignait, il était plein de crainte. Et tout en marchant, il se disait « Oh, ce n'est pas bien. Empereur, c'est trop demandé. La barbue se lassera. » Lorsqu'il fut arrivé au bord de l'eau, la mer était noire. L'écume montait à la surface et le vent soulevait les flots avec violence. L'homme frissonnant s'approcha et dit « Habitante des flots, barbu, me voici contraint et forcé. Par ma voix, ma femme têtue ose t'exprimer un souhait. »« Que veut-elle donc ? » dit la barbu. « Ah, dit l'homme, elle veut être impératrice. »« Va, dit la barbu, elle l'est déjà. » L'homme revint sur ses pas, et lorsqu'il fut arrivé, tout le château était de marbre poli, avec des statues d'albâtre et des ornements d'or. Devant la porte se tenaient de nombreux soldats, sonnant de la trompette ou frappant des timbales et des tambours. À l'intérieur allaient et venaient des barons, des comtes, des ducs. Il faisait office de simple serviteur. Ils lui ouvrirent les portes qui étaient en or massif. Devant ses yeux s'étendait une somptueuse salle d'apparat. Les lambris étaient en or. Le sol était recouvert de dalles de marbre, de toutes les couleurs. Lorsqu'il eut pénétré, il vit sa femme majestueuse, toute rayonnante de joie, sur un trône d'or massif et haut de 50 pieds. Elle portait une couronne d'or de 3 coudées, garnie de diamants et d'escarboucles. Dans une main, elle avait le sceptre, et dans l'autre, le globe impérial. À ses côtés se tenaient sur 2 rangs ses gardes, depuis les géants hauts de 50 pieds jusqu'au plus petit nain qui n'était pas plus grand que mon petit doigt. Devant elle se pressait une foule de princes et de ducs vêtus de magnifiques habits. Arrivés près du trône, ils s'inclinaient 3 fois devant leur impératrice. L'homme s'avança, intimidé, au milieu d'eux. « Femme, lui dit-il, tu dois être enfin satisfaite. Tous tes vœux se trouvent comblés et au-delà. Après avoir été reine, tu es maintenant impératrice. »« Oui, dit-elle, je suis impératrice. » Alors il se plaça devant elle et la regarda. Et quand il l'eut considérée un instant, il lui dit « Ah, femme, quelle belle chose que tu sois impératrice. Il faut te contenter maintenant de cet honneur. Tu ne peux pas être davantage. »« J'y réfléchirai, » dit la femme. Elle se leva de son trône. Tous les courtisans lui firent une profonde révérence. Son mari lui donna le bras. Des pages habillés de velours portaient sa traîne. Précédés de leurs chambellans et escortés de leurs gardes du corps, ils pénétrèrent dans leurs appartements privés et ils allèrent se coucher. Mais elle n'était pas encore satisfaite. L'ambition l'empêchait de dormir et elle pensait toujours à ce qu'elle pourrait devenir. L'homme dormit très bien et profondément. Il avait beaucoup marché tout le jour. Mais la femme ne put se reposer un instant. Elle se tournait d'un côté et de l'autre et pensait toujours à ce qu'elle pourrait devenir et ne pouvait rien imaginer. Cependant, le soleil se leva et quand elle aperçut l'aurore, elle se dressa sur son séant et regarda la lumière. Lorsqu'elle vit que les rayons du soleil entraient par la fenêtre dans sa chambre sans qu'il lui eût demandé l'autorisation, « Ah » pensa-t-elle, « ne puis-je aussi commander au soleil et à la lune de se lever ?»« Mon homme, » dit-elle en le poussant du coude, « réveille-toi, va trouver la barbue, je veux devenir pareil au bon Dieu. » L'homme était encore tout endormi, mais il fut tellement suffoqué qu'il tomba de son lit. Il crut qu'il avait mal entendu. Il se frotta les yeux et dit « Ah, femme, que dis-tu ?»« Mon homme, dit-elle, si je ne peux pas commander au soleil et à la lune de se lever, et s'il faut que je les voie se lever sans mon ordre, je n'y pourrai tenir. Je n'aurai pas une heure de repos en songeant que je ne puis les faire lever moi-même. Je tomberai malade. La barbue qui te doit la vie est toute puissante et ne peut te refuser ce que tu lui demanderas de ma part. » Et elle le regarda d'un air si terrible en disant ces paroles qu'il en frissonna. « Vas-y tout de suite. Je veux devenir pareil au bon Dieu. Je l'exige de la barbue. Je te l'ordonne, dépêche-toi. »« Ah, femme, dit l'homme, en se jetant à ses pieds, la barbue ne peut pas faire cela. Je t'en supplie, contente-toi de ce que tu es maintenant. » Alors elle se mit en fureur. Ses cheveux volèrent en désordre autour de sa tête. Elle déchira son corsage, donna à son mari un coup de pied et s'écria « Je n'y tiens plus, je n'y puis plus tenir, vas-y !» Il n'osa plus essayer de la dissuader. Il s'habilla à la hâte, quitta le palais et se mit à courir comme un fou. La tempête s'était déchaînée et grondait avec une telle rage qu'il pouvait à peine se tenir sur ses pieds. Les maisons et les arbres tremblaient, les éclats de rochers roulaient dans la mer. Et le ciel était noir comme de la poix. Il tonnait, il éclairait, et la mer soulevait des vagues sombres aussi hautes que des clochers et des montagnes, et à leur sommet, elles avaient toute une couronne d'écume. Les navires s'étaient réfugiés dans les ports. Il se mit à crier dans la tempête. « Habitante des flots, barbu, me voici, contraint et forcé. Par ma voix, ma femme têtue ose t'exprimer un souhait. »« Que veut-elle donc ? » dit la barbue qui apparut à l'appel du pêcheur. « Ah, dit l'homme, sa couronne d'impératrice ne lui suffit plus. Elle veut commander au soleil, aux étoiles et à la lune. Elle veut devenir pareille au bon Dieu. » « Retourne tout de suite auprès d'elle. Tu la trouveras logée dans la cahute. » Et ils y logent encore aujourd'hui.